Très chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue sur votre toute première web radio de la région de Gbeke. Il s'agit bel et bien de la radio Gbeke FM. Ici Ren Conan au microphone et nous espérons que votre semaine débute très bien. Comme vous le savez, c'est toujours un réel plaisir pour nous d'être à vos côtés pour vous véhiculer toutes les informations importantes du pays et principalement celles de notre communauté. Eh bien, nous avons une belle annonce pour vous ce matin. Pour vous qui venez de nous prendre en marche, vous êtes bel et bien sur la radio Gbeke FM, la radio qui va jusqu'au bout du monde. Alors, votre radio préférée reçoit dans ses locaux ce matin le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, représenté ici par une dame à qui nous allons demander de bien se présenter. Merci Gbeke FM. Je suis Madame Aswan Tenedja, chargée de communication au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. D'accord, merci beaucoup Madame Tenedja, merci encore de répondre à l'appel de la radio Gbeke FM et nous vous souhaitons la bienvenue. Alors déjà, nous aimons savoir quel est le motif de la présence du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale à Boaké. D'accord, ce qui nous a motivé à venir à Boaké, c'est que depuis fin 2021, d'accord, on a commencé une activité, une campagne de sensibilisation. D'accord. Et il y a eu une première étape et une deuxième. Et la troisième, c'est la ville de Boaké qui a été sélectionnée. D'accord. Voilà, et pour cette activité-là, c'est le ministère qui l'a initiée. D'accord. Et on l'appelle la ronde du social. C'est qui est une campagne de sensibilisation sur les trois produits de sécurité sociale qu'on connaît déjà. D'accord. La CMU, le RSTI et la complémentaire. D'accord. Voilà, et on a choisi la ville de Boaké parce qu'on a estimé que la ville de Boaké est une des plus grandes villes de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Et il faut vraiment que cette information-là soit vulgarisée ici et pour la population, parce que ces produits-là sont pour elle, en fait. D'accord, c'est voilà. Bien noté. Merci bien. Nous tenons à remercier le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale pour avoir choisi la ville de Boaké pour cette toute autre ronde sociale. Alors, nous aimerons savoir quelles sont les différentes articulations de cette ronde du social. Alors, la ronde du social est prévue pour 6 jours. D'accord. C'est-à-dire du 26 au 31 juillet. D'accord. Voilà. Et l'activité qui va marquer les débuts de la ronde du social se fera le mardi 26 à l'espace DR Jeunesse. D'accord. De Boaké. Voilà. Et cette activité-là, il y aura un concours culinaire. D'accord. Il y aura un tournoi de maracana. Il y aura aussi un tournoi de pétanque dames et awale pour les personnes âgées. D'accord. Voilà. Et ça se fera à l'espace DR de Boaké, DR Jeunesse de Boaké, à partir de 10h. D'accord, c'est bien noté. Pour cette journée du mardi, on aura uniquement les compétitions. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres journées qui sont prévues tout au long de cette journée? Oui, effectivement, il y a d'autres journées qui sont prévues. On a celle du mercredi qui va marquer les finales des différents tournois qu'on aura à organiser le mardi. D'accord. Les finales. Et puis, l'après-midi, on ira accueillir les autorités à l'aéroport. D'accord, c'est bien. Voilà. Et jeudi, il y aura la cérémonie officielle. La cérémonie officielle se fera à la cour de la préfecture de Boaké. Et cette cérémonie-là sera meublée d'allocutions des autorités, d'allocutions du ministre lui-même qui va apporter son message. Ah, il sera présent lui-même. Il sera présent. D'accord. Qui va apporter son message à la population de Boaké. Pourquoi est-ce qu'il a choisi Boaké et pourquoi est-ce qu'il estime que la population de Boaké est la mieux pour leur communiquer ces produits-là. D'accord, c'est voilà. Bien noté. Donc, ça sera tout au long de cette semaine qui commence à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi, jeudi et ainsi de suite pour terminer la semaine avec cette ronde du social. C'est bien ça? Effectivement. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Tenedja Aswan. Nous rappelons qu'elle est chargée de communication, c'est bien ça? Oui. Du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Merci encore pour votre présence dans les locaux de la radio Gbeke FM. Très chère population de Boaké, la ronde du social est dans votre localité et nous invitons massivement la population à participer à cette activité, n'est-ce pas? Oui, j'aimerais aussi dire qu'en plus de la ville de Boaké qui a été choisie, on aura des tournées de sensibilisation dans les villages Sakassou et Brobo. D'accord. Enfin, donc la ronde sociale ne va pas seulement se limiter à la ville de Boaké, mais le ministère pense également aux autres localités environnantes de la ville de Boaké, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, Madame Tenedja. Votre mot de fin? Alors, je dirais que le ministère a initié cette activité parce que elle se dit que la population en a vraiment besoin. Ces trois produits ont été conçus pour elle. Voilà, la CMU, le RSTI et la complémentaire ont été conçus pour la population. Donc, venez massivement pour vous approprier cette ronde du social parce qu'on est là pour vous. Il y a des villes qui n'ont pas cette chance. Et si Boaké a été choisi, c'est que ça a son explication. Voilà, donc le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale travaille jour et nuit pour que la population bénéficie de ces trois produits de sécurité sociale parce que c'est pour eux-mêmes leur propre bien, eux-mêmes leur bien-être social et pour améliorer leurs conditions de vie. Donc, nous invitons massivement la population à venir se faire enrôler parce qu'il y aura des différents stands d'enrôlement. D'accord. Les différents stands pour les trois produits de sécurité sociale qui sont la CMU, le RSTI et la complémentaire à l'espace DR Jeunesse de Boaké. Ben voilà qui est bien dit, population de Boaké, c'est une chance pour vous parce que toutes les autres villes n'ont pas cette chance de recevoir la ronde sociale organisée par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Merci encore, nous disons grandement merci au ministre qui a pensé à la ville de Boaké et nous vous motivons, très chère population de Boaké, à ne pas vous faire compter cet événement car il est organisé pour vous, pour votre avantage. Merci bien, très chers auditeurs et auditrices d'avoir suivi ce petit moment et d'ici là, portez-vous bien, très bonne semaine à vous. Merci.